amis. Salut, salut Charline. T'as l'air essoufflée. Oh, mais j'en peux plus là. Mais t'as couru? Non, j'ai marché. Ah, non, mais de la marche, le sport. Hein, ah oui, la marche, ouais, c'est le seul sport où t'as l'air plus con quand tu le pratiques en professionnel que quand tu le pratiques en amateur. Mais non, arrête, attends, on reçoit Johan Diniz. Ah, le champion de marche. Oui, après Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Ah, super, Alex. Ouais, on a l'idée du sketch au moins. Ah, ouais, c'est bon. Enfin, ça me dit pas pourquoi t'es crevé. Excuse-moi, mais je suis une professionnelle, moi. Tu vois, j'ai envie de ressentir les sensations d'un sportif pour faire une bonne interview. Waouh. Ah, donc quand on a reçu Poulidor. Je passais mon week-end à faire du vélo, bien sûr. Waouh. Et quand on a reçu Loïc Perron. Oh, bah là, je suis allée faire du voilier, évidemment. Waouh. Et quand on a reçu Clara Morgan. Waouh. Oups, pardon. Non, non, y a pas de pardon. Non, non, j'avais aussi très bien préparé l'émission, voilà. Non. Bon, allez, les thèmes. Il y a allez. Le militantisme aujourd'hui. Ah, je prends. La sécurité des événements sportifs. Oh. C'est parfait pour lui, très bien. Et un truc sur le coaching vocal. Ok. Bon, allez, donnez-moi tout ça, j'y retourne. Mais pardon. Je vais aller lire les journaux en marchant, tu vois, pour me mettre dans les conditions avec Johan Diniz, tu vois. Waouh. Wow. Mais il est dingue. Mais alors, quand Clara Morgan est venue, alors t'as lu les journaux pendant... Oh, mais ça j'ai l'habitude, je le fais tout le temps. Des formations professionnelles. Waouh. Ah ouais. Bonjour la France Inter en marche, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui assigne l'actualité à résidence et voici les trois informations qui pourront militer virtuellement jusqu'à 18h. Qu'est donc le militantisme devenu? Les encartés qui distribuent des tracts sur les marchés sont toujours là. Quant au porte-à-porte, avec Macron, il est devenu 2.0. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Il n'est comme ça jamais. L'Euro de football ou le Tour de France seront hautement encadrés. Les forces de l'ordre sont à l'entraînement. Pas question que GIGN et CRS faiblissent au sommet du Mont Ventoux. Combien y a-t-il? 67-22, il a dit. C'est pas possible, il y a une erreur. C'est 20 secondes de plus qu'il y a sur le même parcours, c'est bien le même parcours là, non? Il n'y a pas que les comédiens, les journalistes et les politiques qui travaillent leur élocution. Aujourd'hui, plein de professions s'y mettent, à part les footballeurs peut-être, mais des commerciaux par exemple. Berthier, t'es le meilleur. T'es le meilleur, Berthier, t'es le meilleur. T'es un tueur, un killer. Que la force soit avec toi, Berthier. Je suis accompagné du killer de la vanne, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline et bonjour à tous. Une équipe de sportifs évidemment aujourd'hui autour de la table, 17h20. Celle qui, si elle choisissait ses chaussures de sport comme ses disques, risquerait d'avoir des vieilles baskets trouées mais qui ont énormément de charme. Bonjour Mélanie Bauer. Oui, puis les pieds mouillés, aujourd'hui on parle de la pluie c'est et du beau temps. Et oui. Vous êtes dans le thème. 17h30, lui il est coach de marche. Quand il sort son micro France Inter, les gens accélèrent le pas et s'enfuient. En faisant d'excellents chronos, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Et ben moi aussi, je vais vous parler météo aujourd'hui et surtout changement climatique. Il y avait un grand forum destiné aux grands comme aux petits qui ont d'ailleurs appris plein de choses. On a aussi appris comment faire une eau avec des microbes. Voilà, ils ont appris à polluer l'eau. C'est bien les enfants, c'est bien. 17h40, il est au journalisme sportif ce que la marche est à la course à pied. On comprend pas pourquoi il se tortille, mais il est beau dans l'effort. C'est Samir Bouadi, bonjour. Sympa. Salut Alex, salut Charlie. Mais moi, je vais vous parler d'un lanceur d'alerte, hein, d'un homme dont la finesse d'analyse n'a d'égal que son sens de la mesure. Dans la prise de parole, je veux juste parler d'un certain Eric Cantona. Et si tu écoutes, j'annule tout est présent dans le monde virtuel de Twitter, hashtag annule tout et aussi sur Facebook. Hein, Ouh, on a presque 50 000 amis, alors venez nous rejoindre, on va faire une fête. Oui, devenez le 50 millième, voilà. Boire une bière. Et gagner une journée avec Charlie Malinac. Ah oui, d'accord. Et Guillaume Meurice. Et une bière, très bien. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission, lui il est plutôt pour le vin, il est né sous Giscard, bien sûr il vous le dira. Vous remportez la médaille d'argent du 50 km au championnat du monde 2007 à Osaka, tandis que Ségolène est en Chine, elle, sur la Grande Muraille, pour le championnat du monde de Scrabble. Vous intégrez l'équipe de campagne de Martine Aubry pour la primaire socialiste en 2011, quand sort La guerre est déclarée de Valérie Donzelli. Et vous remportez votre troisième championnat d'Europe à Zurich sur le 50 km marche et vous battez le record du monde d'ailleurs. La même année, c'est en 2014, quand le FN arrive en tête aux élections européennes. Et vous, vous êtes Johan Diniz. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Johan Diniz, bonjour. Bonjour. Alors, donc trois fois champion d'Europe et record du monde du 50 km en 3h, 32 minutes, 33 secondes. Alors, vous préparez... Ça claque déjà. Hein, c'est rare qu'on dise ça d'un calmer. Invité, quand même. C'était pour vous calmer. Ouais. Déjà, bim. Alors, vous préparez les prochains Jeux qui vont avoir lieu à Rio cet été. Ça commence le 5 août, 2 mois avant l'ouverture des Jeux. On est 2 mois là avant les. Ouh là là. Plus ou moins. Est-ce que c'est la phase finale de préparation? Est-ce que c'est 2 mois particuliers dans votre entraînement ou finalement on s'entraîne tout le temps, tous les jours et les 2 mois avant, il y a rien de spécial? Mais ça se passe, là oui, en fait, là, avec l'expérience, je pense que maintenant il reste 2 mois, mais les 2 mois sont encore longs, quoi. En fait, j'y pense pas encore, quoi. Je sais qu'il y a les Jeux dans 2 mois, mais je me prépare. Enfin, je m'entraîne tous les jours, assidûment, 2 fois par jour. Donc, j'attends tranquillement que ça arrive. Mais en vous rasant, vous la voyez la médaille. Malheureusement, je me rase pas. Oui, c'est vrai, ça se voit. mais je l'entrevois. Ah. Et en ce moment, vous vous entraînez donc sous la pluie, alors? On s'entraîne beaucoup sous la pluie, ouais. En ce moment. Oui, pluie, humidité, certainement le temps qu'on risque de retrouver à Rio. À Rio, normalement, un peu d'humidité. C'est un peu les highlights pour le marcheur, parce que... Comment? Le moment de gloire, parce que c'est vrai que... Showbiz, on dit highlights. Excusez-moi, il m'avait compris. International. Non, parce que les Jeux Olympiques, on s'intéresse à tous les sports par principe, parce qu'il y a des Français qui participent. Donc pour vous, c'est hyper important, j'imagine, de briller à cet événement-là, plutôt que au championnat d'Europe, je ne sais pas. Pour moi, j'ai toujours brillé au championnat d'Europe, peu au championnat du monde et pas du tout aux Jeux Olympiques. Faut dire que là... Bon, ça va, j'ai quand même réussi à m'en sortir un petit peu, mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien briller aux Jeux Olympiques. Après, j'en fais pas une obsession non plus. Vous mettez pas la fixette, pression. Voilà. Déjà aujourd'hui, comme je vous disais, c'est ma première médaille déjà aujourd'hui d'être invité parmi vous parce que c'est vraiment une Celle-là, elle est acquise. Je vais vous faire un bisou pendant que vous posez une question. Moi, j'aimerais poser une question à Johan. Il est en train de rouler des pelles. Le contexte à Rio est quand même très, très particulier. Il y a un contexte géopolitique très, très, très particulier. Et en plus, en parallèle, il y a aussi cette histoire de dopage chez certaines grandes nations qui vont être représentées. Tout ça est très compliqué. Tout de suite, n'embêtez pas Johan. Ben oui, mais comment on aborde une compétition dans un contexte politique aussi tendu, parce que ça rigole pas au Brésil en ce moment, et aussi cette histoire de dopage. Donc c'est pas facile quand même, cette histoire de Jeux Olympiques de Rio. Ça commence bizarre, non? Ça commence bizarre, mais enfin, moi j'ai surtout peur pour l'après. C'est pas le pendant, parce que le pendant... Je disais, enfin voilà, moi l'image, c'est que voilà, moi pour moi les Jeux Olympiques, ça me faisait rêver quand j'étais gamin, quand je les regardais devant la télé. Ensuite, étant athlète, ça m'a moins fait rêver, on va dire, parce qu'on est dans un milieu, on n'est pas dans un pays, on est dans le pays Jeux Olympiques. C'est comme Disneyland, sauf que c'est Jeux Olympiques Land, et c'est un peu partout, que ça soit à Pékin ou à Londres, enfin bref. Et là, ben moi, enfin j'ai surtout peur. Après, c'est pour le Brésil, c'est l'après-jeu, que ça fasse comme pour Athènes. Où ils ont payé une très grosse facture derrière. Et là, au Brésil, on voit qu'en ce moment, ça, c'est très compliqué au niveau des infrastructures, au niveau géopolitique. Ils ont du mal à boucler le budget. Donc, ça va être très dur. Le retour de bâton, je pense, va leur faire mal. Vous êtes sportif et vous avez une conscience. Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux. Déjà, pour la Coupe du Monde au Brésil, déjà, l'après a été difficile. Alors là, on ajoute les Jeux Olympiques. En voilà, ouais. 2 ans plus tard, on ajoute les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que oui, ça risque de faire mal, mais bon, ça on n'y pense pas derrière. On y a pensé avant, quand le Brésil avait une croissance très élevée. Maintenant, la croissance, elle est très parce mauvaise. Parce que les JO décident très très en amont, et vous avez une conscience politique assez aiguisée, on va s'en rendre compte. Mais par exemple, vous ne voulez pas soutenir la candidature des Jeux Olympiques de Paris pour une raison bien précise, parce que vous avez un coup d'avance politiquement aussi. Vous voyez les choses de loin. Oui, enfin un coup d'avance, je sais pas, mais je vais pas engagé si mon pays est dirigé par un parti totalitaire comme l'extrême droite et le FN. J'espère que vous n'avez pas un coup d'avance, du coup. Non, j'espère surtout pas que j'ai un coup d'avance. Mais non, après, mais voilà, il y a une volonté de ne pas. Je veux pas m'engager tant que je sais pas ce qui se passera dans notre pays l'année prochaine. Mais après, de toute façon, s'ils arrivent au pouvoir, mais. Ce que j'espère pas, ils veulent pas de la candidature de Paris 2024. Donc problème est réglé. Et est-ce que vous êtes posé des questions? Je sais que vous avez été au JO de Pékin. Est-ce que vous êtes posé des questions sur le fait de boycotter ou non? On s'était posé des questions, avec Tony Estanguet, avec Romain Ménil, avec pas mal d'athlètes et d'autres. Bon, après, d'ailleurs, on était soutenus à l'époque, c'est une petite anecdote comme ça, mais par un certain Robert Ménard. Mais non! Qui a très bien changé, qui était directeur de Reporters sans frontières, qui organisait des manifestations dans Paris et on voit ce qu'il est devenu. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est lui qui a fait les t-shirts. Ça fait peur. Même le Front National lui fait la gueule. Allez, Yoann Diniz est avec nous, le triple champion d'Europe, champion de France aussi de 50 km marche. On sera derrière lui, évidemment, pour Rio. Pas longtemps, mais vous allez être derrière Yoann Diniz, ouais. C'est notre chouchou déjà, donc ça c'est acquis. Hein. Allez, vous êtes sur France Inter. To go, have no place to go, darling. Have no place to go, have no place to go. Que nous sommes avec le marcheur. Ah, Yoann Diniz, eh oui, programmation musicale très cohérente, Chewbacca, on l'embrasse. Yoann Diniz, vous écoutez parfois de la musique en marchant? Parce que c'est plus de 3h30 quand vous marchez. Donc Très rarement, non. Ouais. Plutôt, quand je fais de la musculation, ça se voit beaucoup d'ailleurs, mais quand je fais de la musculation, j'écoute beaucoup de musique. Ouais. Vous écoutez peu de musique donc, hein, a priori. J'écoute beaucoup de musique entre les entraînements et France Inter. Ah, voilà. Et pendant qu'il marche, il réfléchit, vous allez vous en rendre compte. Et autour de la table, Alex Vizorek. Et bien, par ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice et Samir Bouadi. Et l'information aussi, bien autour de la table. Bonjour. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Commémoration de Verdun. François Hollande fait un lapsus et parle de la mairie de Berlin. Bien belle façon de rendre hommage au maréchal. Robert Ménard organisait une réunion de la droite dure. Marion Maréchal, Le Pen, a quitté très vite cet événement. Quand t'organises une réunion d'extrême droite et que le Front National s'en va choquer, c'est bon signe. Des brèves ? Non, pas des brèves, il y aura de la pub aujourd'hui. Ah. Et on commence par Verdun. Et oui, le nouveau lapsus de François Hollande, il était à côté d'Angela Merkel à la mairie de Verdun. Nous tenions, Angela Merkel et moi-même, à venir à l'hôtel de ville de Berlin. Bah, Berlin, où je vous rappelle que le concert du chanteur Schwarz M a aussi été annulé. En tout cas, il est prêt pour son prochain séjour à Berlin. Et pourquoi vous dites ça? Il va monter sur la tribune et dire « Ich bin ein Verdunois ». Ah oui, alors c'est cohérent. De l'autre côté de la France, Robert Ménard organisait un week-end de débat ouvert à toute la droite identitaire, un mouvement qui nous tient à cœur. Nous voulions donc lui offrir un bel espace publicitaire. Tu es décomplexé et tu veux rencontrer les droites chaudes de ta région? Envoie Bob au 3910. On reste à gauche. Oui, où la question du maintien d'Emmanuel Macron se pose à nouveau. Oui, le patron des députés socialistes déclare, ouvrez les guillemets, nous avons besoin d'Emmanuel Macron, donc il ne faut pas qu'il tende trop l'élastique parce que ça peut lui rompre. Vous pouvez me la refaire, Vous avez senti que je ne l'avais pas. Hein. Allez, bah, je vais vous la refaire. Ouais. Je vais, parce que être un député socialiste m'a fait un petit choc. Nous avons besoin d'Emmanuel Macron, donc il ne faut pas qu'il tende trop l'élastique parce que celui-ci peut rompre. Voilà, et donc, voilà. Tout ça pour rappeler surtout qu'il est dangereux de tendre l'élastique quand on travaille à Bercy avec Michel Sapin. Voilà, ça valait la peine. Ça était bon en plus. Passons à droite. Non, on ne l'avait pas vu venir. C'est le principe. Hein, de, voilà. Oui, avec Jean-François Copé, qui était l'invité d'On n'est pas couché samedi soir, il a donné sa solution pour éviter les manifs. Et bonne idée, Jeff, faire passer des lois pendant les vacances. Excellente idée, oui. Oui. D'ailleurs, qu'il en profite, si la loi travail passe, des vacances, il n'y en aura plus beaucoup. Donc, de son côté, Arnaud Montebourg était ce matin sur RTL. Oui. Sera-t-il candidat à la présidentielle de 2017? Eh bien, il prendra sa décision cet été. Bien joué, cet été, la méthode Copé, tout ça pour éviter les manifs. Allez, revenons sur la pénurie d'essence. Oui, mais une chose qui nous avait échappé la semaine dernière, Charline, c'est la vivacité de l'équipe marketing de Marc Dorcel Productions. Ah bon ? Et oui, une petite vidéo sympa où l'on voit une charmante jeune fille à côté d'une voiture qui nous livre ce message. Ça fait des années que je pompe. Et aujourd'hui, je le regrette vraiment pas. Et ils sont forts chez Marc Dorcel. On remercie Nikita Bellucci. Très chaud ce journal. L'occasion peut-être de passer une autre page de publicité. Exactement. Pour les rendez-vous de Robert Ménard. Bien sûr, on y va. Tu veux rencontrer les droites chaudes de ta région? Tu as envie de Béziers? Envoie Bob au 3910. Voilà, télévision. Télévision. André Rousselet, le fondateur de Canal+, est mort à l'âge de 93 ans. Ah, j'imagine que Vincent Bolloré a envoyé une couronne de fleurs. Oui, mais bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est écrit dessus? Désolé. Voilà. En grand, capital. Très bien. Normal, c'est cohérent. C'est sport, normal. Le Real Madrid, entraîné par Zidane, a remporté la Ligue des Champions ce week-end. Victoire sur l'Atlético de Madrid après une séance de tirs au but. Zidane gagne enfin une finale après un coup de bol. Bien sûr. Voilà. Passons au tennis, c'est Richard Gasquet. Si, mais il ne faut pas la mettre si elle n'est pas prête. Elle est drôle. Elle n'a pas beaucoup de tête. Oh, elle, je vous laisse terminer. Elle se tend. On va écouter Richard Gasquet qui n'était pas content. Il s'est enflammé parce que le public parlait. Et écoutez derrière le flegme, ça va vous parler, du commentateur d'Eurosport. Fermez vos gueules, une colère là. Demande à certains spectateurs de se taire pendant les échanges. Le spectateur d'Eurosport, eh bien, on va aller, on termine par une petite dernière du coup. Tu es décomplexé et tu aimes les droites chaudes. Envoie Bob au 3910. Attention, Bob avec un seul O, sinon ça fait boobs. Coquin. C'était l'information sur France Inter, bien sûr. Nous sommes en compagnie de Johan Diniz. On va aborder avec vous tout de suite le premier sujet. Respirez. Je vous rassure qu'elle était bonne, le coup de bol. Oui, bien sûr, bien sûr. Les militants sont persuadés que la politique peut encore changer le monde. Les militants sont ceux qui ne sont pas résignés. On les trouve sur les marchés, faisant du porte-à-porte ou rivalisant d'imagination pour renouveler le militantisme. En fait, je me définis comme une pute politique. Parce qu'en fait, le problème des fachos, c'est le sexe. Il y a un moment, en fait, quand vous couchez avec un facho, où il est extrêmement réceptif. C'est juste avant qu'il jouisse. Et à ce moment-là, il faut en profiter et lui dire plein de phrases qui vont taper dans son subconscient. Un peu comme en hypnose. Alors vous dites, par exemple, les Arabes sont pas tous des voleurs. Les Juifs sont pas tous riches. Sarah Forestier dans Le Nom des gens. Johan Diniz, quand on a eu la chance d'avoir des grands-parents communistes comme vous, et résistants, le militantisme est une seconde nature chez vous? C'est quelque chose, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Oui, quand j'étais petit, oui. Maintenant, j'en suis revenu, mais quand j'étais petit, oui, c'était quelque chose. J'adorais assister au 1er mai, aux marches du 1er mai, d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être ça. Hein, c'est vrai que ça vient, c'est énorme. Et ensuite, oui, pour moi, c'était très important. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va dire que ça s'est un petit peu effrité. Alors, pour quelles raisons ? D'abord, je sais que vous dites que le militantisme est comme un sport de haut niveau. Il faut être pas à plein temps, mais c'est vraiment un engagement, quoi. Oui, bien sûr, c'est un engagement à 100%, et on peut pas faire du militantisme et du sport de haut niveau à côté. Ça, pourtant, déjà, qu'est-ce que vous pourriez distribuer comme tract à la vitesse ? Ça, c'est sûr. Je pourrais aller très vite. Mais j'ai déchiré des affiches aussi très vite. Vous avez tendance à dire que les sportifs... sur le déchirer des affiches. Oui, je voulais revenir un instant là-dessus, avant à la question d'Alex. Quand vous êtes dans différentes villes de France, où vous vous entraînez, vous faites des meetings, des fois, le militantisme, c'est des fois arracher une affiche du FN. Oui, c'est marrant. De temps en temps, ça me rappelle des bons souvenirs. J'étais engagé avec Ralph Ron, avec la LCR quand j'étais un peu plus jeune, et on se rappelle, on se rappelle au beau souvenir d'aller arracher ou d'aller coller au-dessus eux, mais bon, après, ils te disent que c'est pas démocratique, mais ils sont pas très démocratiques non plus. C'est clair. Une bonne technique d'entraînement. Vous faites ça à Béziers, vous arrachez l'affiche et hop, les gens vous courent derrière et c'est l'occasion à se parler. Par contre, il faut mettre des gants parce que souvent, ils mettent du verre pilé dans leur col. Sympa. Bien sûr. Pas, une info. Ah la vache. Voilà une bonne idée. Non, ma question c'était que vous disiez que les sportifs de haut niveau avaient tendance à être instinctivement plus de droite. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous aviez dit des gros cons de droite, mais on n'a pas compris exactement. Non, mais le gros titre s'est ressorti, c'est marqué je ne parle pas politique avec Renaud Lavillenie. C'était dans une interview accordée au JDD. C'était ça. Mais en fait non, c'est déjà on parle pas politique. Après moi ce que je disais c'est que des fois on va s'engager sur des choses mais on s'engage plus assez par exemple, pour moi qui viens d'un milieu, comme on disait, de militants, de résistants, moi c'est la société, on va dire, j'ai fait un emploi jeune, j'ai travaillé au sein de quartiers sensibles, au sein de quartiers difficiles, dans le cadre du DSU et ainsi de suite. Donc je pense qu'on a des choses encore à faire, c'est pas dans le militantisme, mais aller dans les quartiers, je pense que pour moi c'est aussi quelque chose qui est très important que de penser tout le temps qu'à soi. On a aussi des choses à aller faire, pas forcément dans le sport, mais aller dire mais croyez en vous, c'est pas fini, il y a tout le temps une porte qui peut s'ouvrir, on peut tout le temps s'en sortir, si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et si on recrée du lien social, bien sûr. Johan Diniz, oui, est avec nous. Une dernière question, le supporter, faut être un peu militant pour être supporter, c'est comme une forme d'abnégation comme ça? Pour être supporter, je pense que oui, là, il y en a beaucoup, oui. C'est une forme de militantisme sportif. C'est une forme de militantisme, mais vraiment aigu là, parce qu'on voit souvent dans les COP, ça tourne pas souvent. Ce sens-là, oui. Effectivement. Johan Diniz est avec nous. Et si on parlait musique également. Ah, absolument. Ah bah oui, Mélanie Bauer. Musique et météo. Attention. Oui. Ce week-end, c'est la fête des festivals en plein air, le Weather Festival pour l'électro-bourget. Ça commence fort. Hein. We Love Green pour le pop-rock hip-hop électro-chic à Vincennes. Et c'est chouette parce que... Il pleut. C'est tout ce qu'il sait faire. Eh oui, on a envie de la chanter, celle-là. Bouge. Ça vous glace le sang, une telle humidité, on peut rien faire. On regarde les photos des copains à Roland-Garros et on doute. Hein, impossible de croire que c'est une partie de plaisir, malgré tous les filtres imaginables sur leur téléphone waterproof. Il faut arrêter de mentir, on ne peut pas croire à leur sourire. On annule tout à Roland-Garros. La France en costume. Et sous l'eau. Le week-end dernier à Paris, il y avait un festival de musique en plein air, Villette Sonic, avec en visuel pour l'affiche une fille dont le visage dégouline. On y découvrait des artistes comme Eric Copland et Elena Auf, courageux militants du dehors. Après la Villette, on filait en Normandie. On n'avait pas de nouvelles d'eux depuis très longtemps. Pour continuer à mixer sous la pluie, faut dire que leur musique, ça anesthésie. Tiens, c'est ça. Ah. Voilà. Eric Copland. Ah, oui, bien sûr. J'ai des amis à vous. C'est chouette, hein? Eric, est-ce que vous conseillez une drogue ça, en particulier pour vraiment bien profiter? Eric Copland, c'est autre chose que les ogres de Barbac. Pour s'entraîner, hein, Johan Diniz, c'est pas mal pour marcher. Alors, fait que Johan Diniz aime beaucoup les ogres de Barbac. Vous avez chanté même avec eux? Oui, j'ai chanté à l'Olympia avec eux. Et ils m'avaient installé un tapis roulant, d'ailleurs, sur la scène de l'Olympia. C'est vrai. Qui joue avec Fred Fromet aussi, les ogres. Mais moi, j'adorerais vous voir sur un tapis roulant avec Eric Copland. Ah, là, ça serait un peu... Ouais, ça, écoutez, ça peut on, être on sympa, voudrait ça bien être qu'il gagne à Rio, alors, s'il vous plaît. Donc, moi, j'étais en Normandie, à Rouen, le week-end dernier, pour les voir, c'est courageux en live. Et je dois le dire, depuis que je suis rentrée à Paris, je me suis dit que la Normandie, bah, c'était pas aussi pluvieux qu'on le disait. J'ai vu des trucs super. Bertrand Belin qui faisait semblant de boire au pied d'une vache imaginaire. Le chanteur Catherine en collant vert, tantôt lutin, tantôt grande prêtresse Gaïa, exhortant les Rouennais à crier leur frustration. Fabius, Fabius. C'est, vous savez quoi? C'est sous playlist France Inter ce que vous êtes en train de dire. Et enfin, j'ai enfin vu les Liminianas. Ah, en concert. Alors, ça, c'était le bonheur, et puis je suis rentrée à Paris et là... Il pleut. Et voilà. Et ouais. C'est une de mes chansons préférées, c'est Brigitte Fontaine. Bah, disons qu'on n'a pas de chance avec le temps. Hein. Moi, j'ai quand même cherché des infos musiques hein, pour vous, pour monter le moral, pour faire une sorte de actualisique. J'ai trouvé Grand Corps Malade qui invite Renaud à son prochain concert en octobre. Ça remonte tout de suite. Ouais. Ah. Ça, on sait où pas aller. Liam Gallagher d'Oasis qui a dit fuck Oasis à son frère et son frère a répondu patate. Ouais, c'était important. Des choses, quand même. Et sinon aussi les Red Hot Chili Peppers qui ont fait une nouvelle chanson. Let's go, you show me something no one will ever know. On s'en fout, hein, il pleut de toute façon, donc on peut écouter ça. Bon, je pourrais vous achever avec un bon Radiohead, mais non, on va se quitter avec une petite perle électro, comme disent les animateurs radio. Le producteur australien Flume, en Australie, c'est la fin de l'automne, le début de l'hiver, comme ça on est synchro. Un morceau qu'il a enregistré avec le chanteur américain Beck sur l'album Skin, c'est sorti vendredi dernier, et c'est Tiny Cities. Voilà, il merci pleut pas. Aborde. Did I think I better go home? All I said I needed was gold. But I thought I had it all wrong. Can it ever be a safe bet? When they never seem to fall. is killing me. How can I convince myself to not believe in what I know? And all I see is dominoes falling uphill as we go. Bloom Feedback, il est tout seul, il est australien, et on a entendu Tiny Cities, le choix de Mélanie Bauer. Absolument, merci. L'album Skin, sorti vendredi dernier. L'actu sur France Inter, en compagnie de Johan Diniz, qui est avec nous, le triple champion d'Europe, et notre sportif chouchou, qu'on va soutenir à Rio. Et pour une fois, je vais suivre les Jeux Olympiques, c'est énorme. Autour de la table, Alex. Eh bien, toujours, Mélanie Bauer, qu'on a entendu, qui nous choisit des bonnes chansons, mais qui reviendra dans 3-4 semaines. Nous avons Samir Boisi, et C'est le moment Maurice, attention, c'est parti. Alors, avec le temps, va, tout s'en va, disait, petit quiz. Evelyne Delia, malheureusement. Evelyne qui n'était malheureusement pas présente ce matin sur le parvis de l'hôtel de ville où avait lieu le Forum international de la météo et du climat. Ils avaient bien choisi leur jour. Ah, vous y étiez aussi, Mélanie, c'est bien. Il était question surtout ce matin du fléau, qui est le réchauffement climatique. Le sponsor principal de l'événement n'était autre qu'Engie. Ah, je vous parle pas de Kenji Girac, un seul fléau à la fois, s'il vous plaît. Non, Engie, donc la société de production d'énergie, ex-Gaz de France, qui s'est fait épingler la semaine dernière par l'émission de France de Cash Investigation pour ses pratiques peu scrupuleuses au niveau de l'écologie. Alors, moi, je voulais leur donner un droit de réponse, parce que moi, je les aime bien, ces gens-là, je suis comme ça. Oui, je suis donc allé les voir, bien sûr. Et alors, après moult tergiversations et autres SMS au service communication du groupe, ils m'ont fait savoir que non. Ah non, c'était pas possible. Là. Déception. Et c'est typique des gens qui sont timides, qui font des choses bien, ils aiment pas se mettre en avant. Ces gens-là, c'est tout à leur honneur, bien sûr. Alors c'est pas grave, je suis resté devant le stand où ils présentaient leurs activités, notamment à des enfants. Alors qu'est-ce qu'Engie a bien pu leur raconter de beau? Ils nous ont dit le cycle de l'eau et comment on pouvait recycler le pétrole. Ils vous ont dit comment recycler le pétrole? Les énergies fossiles, voilà. Ah, comment on pouvait recycler ça? Et alors comment, oui? Et je sais plus trop et... Et toi, tu te rappelles? Non. Ah, c'est dommage, parce qu'on aurait bien voulu savoir comment Engie recyclait le pétrole. C'est ballot, les enfants, ça. Fallait noter, ça. Si ça se trouve, ils font du bouche à bouche avec des mouettes mazoutées. On n'est même pas au courant, Engie, les enfants. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Il y avait des ados également ce matin. Allons voir un ado. Est-ce que chez Engie, on leur a parlé des énergies fossiles? Parce que Engie, ce qu'ils font aussi, on le sait, c'est vendre du gaz, essentiellement pour le cramer. Les énergies fossiles, ça, après, c'est eux, ils nous ont pas trop parlé de ça. Ils nous ont plutôt parlé de ce qui était écologique. Ils vous ont pas dit? Pas trop. Ils ont oublié alors? Ah, c'est possible. Ou ils ont oublié ou ils ont caché, après faut voir. Oh non, je peux pas penser ça d'eux. Et eux, ils vous ont dit qu'ils faisaient de l'énergie propre? D'après eux, oui. D'après eux. Après, on vérifie pas. Non, on n'a pas besoin de vérifier. C'est aussi une relation de confiance. C'est marqué sur le site d'Engie. La confiance, c'est important pour eux. Soyons responsables et adultes, parce qu'évidemment, il y avait des adultes également. Qu'est-ce que leur a dit Engie? Ah, ils nous ont dit que pour le moment, ils poussent un peu vers le renouvelable. Ah oui? Oui, tout à fait. On peut que les croire. Ah, c'est vrai, vous les croyez? Oh, je les crois, tout à fait. Voilà, une belle relation de confiance. Alors, confiance qui a failli se fissurer quand on a appris dans Cash Investigation qu'Engie possédait des centrales à charbon dans le monde. Moi, j'avoue, ça m'a rendu un petit peu triste, cette nouvelle. Un petit peu comme quand j'ai appris que Francis Holm était pas super sympa, en vrai. On a foutu un coup au moral. Mais ce même citoyen en sait davantage sur comment ces centrales à charbon ont été achetées par Engie. Ils ont dit que c'était un petit peu c'était dans le dos ils étaient obligés de le prendre. Ah c'était pas de leur faute. Ça, c'est eux qui vous ont dit ça? Oui, c'est quand ils ont acquis la société là-bas, il y avait ça dans le package, ils l'ont pris. Ils ont pas eu de bol, quoi. Non, voilà. Ouais, ça c'est le coup classique, c'est comme quand t'achètes un paquet de boulgour et quand tu l'ouvres, il y a un steak de dauphin à l'intérieur. ça nous arrive tout le temps. Tu fais quoi? Tu le gardes, évidemment. C'est pas la peine d'en vouloir à Engie, qui, je vous le rappelle, donne de l'argent pour que l'événement existe, quand même. D'ailleurs, allons voir un organisateur, un ancien de Météo France. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir pris Engie comme sponsor? Ouais, voilà, mais je crois que c'est obligé qu'il soit présent de toute façon. Ah bon? Ah oui, parce que bon, avec tout ce qu'ils font, concernant les nouvelles énergies, ça fait partie de ça également quand même. Bon, maintenant, après... Vous voulez parler des centrales à charbon? Oui, si on commence à regarder les défauts de tout le monde, alors si vous parlez de ça, je vais vous dire, on va parler des groupes alimentaires à ce moment-là. Ah non, moi je voulais parler d'Engie. Oui, d'Engie. Ah, il y a pire qu'Engie, je pense. Oh, ça va, il y a pire, ça va. C'est vrai, c'est un bel argument, ça, il y a pire. C'est aussi la technique de drague d'Alex Vizorek. qui dit régulièrement aux filles, ça va, t'aurais pu tomber sur Denis Baupin, il y a pire, voilà. Avec un vif succès, Alex, bravo. Donc on peut être bien tranquille. Alors pour assurer le coup, je vais quand même poser une dernière question. Est-ce que c'est pas comme si Xavier Dupont de Ligonnès était ministre de la famille? Non, c'est une question, difficile. C'est le matin, hein, on n'est pas encore l'après-midi, là. C'est difficile. Moi, tout n'est pas encore bien en place dans mon cerveau. Mais ceci dit, non, si on rentre dans ce genre de polémique, moi, c'est pas encore... voilà quoi. Oui, voilà. En plus, c'était le matin, hein, vous l'avez entendu. Donc la polémique, c'est vrai que c'est plutôt l'après-midi ou le soir. D'ailleurs, à la fin de notre émission, n'hésitez pas à revisionner le dernier Cache Investigation si vous aimez la polémique. En attendant, laissons le mot de la fin aux enfants. Est-ce qu'Engie est écolo? Oui. Ils sont sérieux. Oui, ils sont sympas aussi. Ils sont écolo et sympas. Oui, et aussi on a regardé un film. Ah, ils vous ont montré un film virtuel, ouais. En fait, c'était un éolien et enfin, il y a un monsieur qui essaye de réparer l'éolienne. Parce qu'en fait, ils ont des centrales à charbon aussi, mais ça ils vous ont pas dit. Non. Bon, faudra aller leur dire. Allez leur dire qu'ils ont des centrales à charbon. Oui. Et ben voilà, chacun son tour de manipuler des gosses. voilà. Bon, sauf que là, c'est juste pour leur assurer un avenir moins pollué dans un monde moins dégueulasse. Parce qu'en ce qui concerne le changement climatique, on n'a justement plus le temps qui va, qui s'en va. Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Johan Diniz. Et on va aborder le deuxième sujet avec vous. 90 000 flics et agents de sécurité vont surveiller l'Euro de football pendant le mois de juin. Et le GIGN va accompagner le Tour de France avec notamment 23 000 policiers aussi. Et 50 motards de plus sur le Tour. Voilà. Le bilan carbone du Tour, c'est lourd. Les forces de l'ordre sont donc à l'entraînement, hein, notamment en cyclisme où les CRS se mettent à la petite reine. Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein? Tais-toi! Là, j'ai la gueule à coups de cravache! Benoît Poulvord dans Monsieur Manhattan. Donc les événements sportifs à venir en France sont surencadrés par les forces de l'ordre parce qu'on vous le rappelle, comme dirait Bernard Cazeneuve, le risque zéro n'existe pas. Tremblez dans vos chaumières. La France a peur. Alors tout ça, est-ce que c'est un contexte que les sportifs doivent prendre en compte ou déjà vous, dans toutes ces manifestations, vous êtes déjà vous surprotégés et donc c'est surtout la population qui ressent ce côté très sécuritaire dans les manifestations sportives? Je pense que oui, lors des Jeux Olympiques, par exemple, quand on se déplace, je crois qu'il y a pas mal d'agents du RAID, GIGN qui sont avec nous. Enfin, on ne le sait pas, mais je sais qu'on est pas mal encadré à ce niveau-là quand on part à l'étranger, oui. Donc le contexte ici en France pour les footballeurs pendant l'Euro ou pour les cyclistes, pour les cyclistes c'est peut-être un peu différent parce que c'est vrai que 50 motos en plus sur le Tour... C'est dangereux pour les cyclistes, 50 motos en plus, hein, parce que là on voit encore ça en Belgique, ouais, hein, je crois justement qu'il y a encore eu un grave accident, il faut faire attention, après... Si on reparle, on parle plus de militantisme, mais après c'est aussi une bonne le Tour de France, c'est une bonne, on va dire, vignette pour amener si on a des revendications à faire, sûr que le Tour de France ça peut toujours servir, mais après si ça va pas à l'encontre des coureurs bien sûr, mais faut faire attention aussi à la sécurité bien sûr des coureurs, mais après sur les sportifs et les coureurs je pense pas qu'il y ait de gros problèmes, c'est surtout sur la sécurité derrière, sur tout ce qui va se passer sur les événements autour avec le flux de personnes et ainsi de suite. Il y a un truc autour, c'est-à-dire que le public est vraiment très, très, proche, très près des coureurs, c'est ça, voilà. C'est presque même dangereux, même quand il n'y a pas d'état d'urgence. Vous, par rapport à ça, est-ce que vous aimez ça, entendre les bruits des gens qui hurlent autour, des trucs comme ça? Eh ben, des fois, ça peut être très déstabilisant. J'ai connu ça vraiment, c'était aux Jeux Olympiques à Londres, où il y avait énormément de monde. C'est vrai que c'est déstabilisant au départ. Et puis après, justement, j'ai pensé à une course cycliste et je me suis dit... eux, comment ils font quand ils ont des murs de personnes, que ça soit dans les Flandres ou sur le Paris-Roubaix, ou ils ont pratiquement pas de place pour rouler, quoi, et t'es envahi par le bruit, donc eux, ils faut faire avec. Et puis, bah, faut réussir à pas se faire émotionnellement à chuter à cause de ça. Oui, puis émotionnellement, un type en Marseille avec un beau Pricard, c'est pas facile. On n'est pas forcément habitué. Samir Bouadi, le sport, c'est votre affaire. Oui, on va parler d'un autre sportif qui a une conscience pas la même que la vôtre, mon cher Johan. Donc, petit rappel des faits, un certain Eric Cantona a tout récemment émis l'hypothèse suivante. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de foot, en sa qualité de sélectionneur, donc fait blocage dès lors qu'il s'agit de sélectionner des joueurs d'origine nord-africaine, en l'occurrence Karim Benzema, empêtré dans cette sale histoire de sextape, hein, très excitante toujours pour moi, et Atem Ben Arfa, connu pour ses immenses qualités de joueur très technique, mais aussi pour son caractère, comment dire, bien trempé. Bref. Alors, je vous raconte pas la polémique, ça fait beaucoup de bruit, hein. Deschamps, a priori, porte plainte, et très justement, certains commentateurs avisés rappellent qu'entre les deux hommes, hein, Deschamps et Cantona, la lune de miel n'a jamais vraiment eu lieu, puisque le grand Eric est persuadé que Didier Deschamps fait partie de la cabale qui aurait ourdi et obtenu, hein, en son temps, l'éviction du groupe France du King de Manchester United, juste avant les échéances victorieuses de 98. Bref, un mondial gagné en France par les Bleus sans Canto, mais avec Zidane, pas facile à vivre pour le grand Canto. Mais le mythique numéro 7, Cantona, se défend de toute parano. Et hier, par exemple, dans les colonnes du journal du dimanche, il se fend d'une tribune où il déclare ceci, moi je vais le citer, ce sera plus simple. Deux points, voilà les guillemets. Dans cette période de troubles et de divisions, j'aurais aimé que toute la France, telle que je l'aime et la rêve, soit représentée dans cette équipe de France. Pour moi, le foot, c'est un formidable vecteur d'intégration et doit servir à unifier et à fédérer. Bah, dit comme ça, en effet, c'est très bien, c'est très classe, ça fait beau, hein. Sauf que, bah, quand on y regarde de plus près, bah, il parle de joueurs qui sont déjà très, très, très intégrés, hein, et tellement intégrés qu'ils sont même carrément français, quoi, hein, et puis même nés en France, quoi. Ça, la fout mal. Bah, c'est là où la déclaration de Cantona pose problème, quand même, hein, puisqu'en l'espèce, il pointe du doigt des joueurs qui ne sont pas français de souche, hein, comme disent des copains FN de Meurice, hein, ceux qui confondent nationalité et race. Hein. Alors, il théorise sur une base rhétorique, finalement, qui est celle, justement, de ceux qui considèrent que la nationalité est graduée, variable, évolutive. En dénonçant une attitude stigmatisante, il stigmatise, justement, il pointe du doigt, il montre des jeunes gens en nous disant, vous les voyez, ils ne sont pas totalement français, et c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Alors, je ne dis pas que Cantona est raciste, hein, loin s'en fout, bien sûr que non, je dis simplement que sa déclaration permet à certains de se familiariser avec l'idée que ces joueurs-là sont différents, sont différemment français. Hein, ça nous rappelle les longs et douloureux débats sur la déchéance de nationalité qui ne prenaient pas pour point de départ philosophique la notion même d'adhésion à des valeurs qui définissent, hein, en France la nationalité. Hein. Moi qui suis par exemple métisse, hein, petit exemple, hein, d'un père algérien et d'une maman française et né en France, hein, s'il vous plaît, je ne suis pas tout à fait mal placé pour vous dire que la plupart du temps, ben, je me sens français. Voilà, hein. Jusqu'à ce que quelqu'un lâche une petite blagounette, hein, du style, je sais pas, ah, hey, Samir, hey, mon portefeuille a disparu, elle a arrête de faire le con, rends-le-moi. Bref, les occasions sont pas rares. Hein, ça, c'est parce que vous venez de Nancy. Oui, c'est un peu pour ça aussi. Alors, tout ça pour dire qu'en stigmatisant une hypothétique stigmatisation, on finit par stigmatiser, tout bêtement. L'affaire n'est pas anodine et elle en dit beaucoup sur notre époque. Inversons la proposition juste une seconde et comprenons que Cantona vient de nous expliquer que le mérite n'y est pour rien quand on est soi-disant différemment français, puisqu'on peut aussi imaginer que certains réussissent grâce à leur nom ou leurs origines, être l'idiot utile ou la caution morale. Dans les deux cas, on se demande où est le talent. Eric Cantona fait des phrases, joue avec les concepts, se perd dans le labyrinthe de la bien-pensance, fait du bruit avec sa bouche, mais personne pour le localiser. Eric Cantona, philosophe, ou la fin d'une comédie bien française. Samir Bouadi. Voilà, il a taclé Cantona, on peut le dire. On entend. Il est sexy, Cantona. Vous suivez ses affaires, Yohann Denis? Vous suivez le foot un peu et surtout tous les feuilletons qu'il y a autour. Ouais, un tout petit peu, oui, mais c'est oui de très loin, oui. Alors on passe au troisième sujet. Hein, autant parler de l'éloquence qui peut être un pouvoir. Ce serait donc bien qu'il se démocratise. C'est l'objet d'un article de l'Express qui vante les mérites des coachs en éloquence. Tout n'est pas perdu donc pour Franck Ribéry. S'il suit les cours d'un spécialiste, un spécialiste de l'éloquence que voici. Ba be bi bo bu, ba be bi bo bu, a e i o u, a e i o u, ba be bi bo bu, a e i o u, articulation, petit pot de beurre, quand tu as des petits pots de beurre, riseras-tu, articulation, fausse facture falsifiée pour s'en foutre plein les fouilles, a e i o u, articulation, a e i o u, minus moutons en masse, minables et immatures, je vous méprise et vous emmerde, je vous méprise et vous emmerde. A, E, I, peuple, populace, piteux troupeau de pecnos. Piteux troupeau de pecnos, tu pupolus et me répugnes. Tu pupolus et me... Ça va être à vous dans 5 secondes, monsieur le ministre. Les inconnus, c'est pas magique. À vous, monsieur le ministre. Oui, bien sûr. Alors... Yoann Diniz, quand vous sortez d'une course, vous courez 3h30 et puis il y a un journaliste. Par exemple, il y a Gérard, Nelson Montfort. Oh, prodigy, c'est toi, Yoann. Je parle français. Oui, c'était merde. Et vous devez répondre comme ça tout de suite. Alors, dans ces cas-là, comment on fait? On pense pas à l'éloquence. On pense à quoi on pense quand on doit répondre à chaud? On est au bout de 3h30. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà analysé sa course, en fait. Ah, vous avez eu le temps, vous? Je pense qu'on a déjà. Non, mais on a un. C'est pas comme le 100 mètres, quoi. Non, mais je sais pas. Mais si, même le 100 mètres. Mais ah, je pense qu'on a une faculté déjà d'analyse et tout de suite de remise en question qui va assez vite. Et c'est vrai que j'arrive vite à voir, puisque j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière. J'ai fait des médailles, mais j'ai aussi fait quelques petites déceptions quand même. On n'a pas parlé de toutes vos défaites, là, mais effectivement, voilà. il y en a. Mais je les analyse, j'arrive à les analyser et oui, j'arrive à m'en sortir à peu près bien, mais... Ouais. Mais vous faites attention un petit peu à ça, enfin, quand vous sortez de la course, non, mais... Il faut peser ses mots, de toute façon, maintenant, parce qu'on sait que tout est repris, et puis avec les réseaux sociaux, c'est encore repris. Nelson Montfort, il n'essaye pas de... Hein, parce que, évidemment, lui, il prend l'éloquence de « j'ai été impressionnant en bien Suisse, hein, formidable, Johan, cette course, cette accélération !» Et alors, c'est pour foutre la honte, parce que vous vous êtes essoufflé, vous dites « oui, je crois que j'ai fait une bonne course !» Est-ce que vous n'avez pas envie de l'envoyer chier, tout simplement? Voilà, ouais, c'est ça la question. De lui taper dessus. Voilà. De vrai, ouais, ou de m'essuyer avec ma bave sur voilà, sa la main. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, si vous avez la médaille, faites-le, rien que pour nous. Ah ouais. Ouais, on pensera à vous. Est-ce qu'aussi, en dehors des courses, etc., quand vous devez répondre, vous recevez aussi parfois un peu des éléments de langage, vous vous rendez compte d'automatisme parce que votre entraîneur vous a répété des choses, ou je sais pas moi, votre équipe, vos sponsors, vos masseurs, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a aussi, comme les politiques, certains mécanismes de langage qui reviennent? Non. Pour moi, non. Des fois, il y aurait peut-être dû, mais c'est vrai que je suis assez brute. C'est-à-dire que des fois, je vais analyser après ce que j'ai dit. Et des Alors, fois, des fois, c'est un marqueur social. Ouais. c'est pas très, très bon, mais non. Mais enfin, j'essaye de pas calculer et puis de dire ce que j'ai sur le cœur. Voilà. Vous aimez ça, vous, les médias? Parce que les sportifs, en général, ça fait partie d'un cirque important. C'est-à-dire que, oui, les médias doivent parler d'eux pour les sponsors et inversement pour la popularité de la discipline, mais est-ce qu'ils aiment ça? Ça dépend les médias. Après, je cours pas après les médias parce que ça me plaît. Enfin, les médias me plaisent, mais ça dépend. Et puis c'est eux qui courent derrière. Voilà, de toute façon. Non, mais clairement, si c'est le service public ou France Inter qui va m'inviter, je vais répondre présent. Mais on me dit que, enfin voilà, mais TF1 le savent. Un jour, j'ai eu TF1 dans l'ascenseur. Ils m'ont dit une petite réaction pour TF1. J'ai dit non, je suis pas de réaction pour TF1. On vous aime beaucoup en fait. TV8 Mont Blanc, par exemple. Ça, non, si. Non, il faut voir à qui appartient le groupe. Oui, bah, on commence à comprendre comment il cogite. Dites-moi un petit peu le nom de votre patron. Hein, voilà. Il fait dans le béton. Non, merci. Je vais aller sur le service public. Donc, vous n'accepteriez pas de faire marche avec les stars sur TF1. Non, c'est long. Ah, et peut-être comédien, l'espace de 2 minutes, Yoann Diniz. Ah, pourquoi pas. Exercice de fin d'émission, Yoann Diniz, le sketch où je vous ai donné le rôle de Yoann Diniz. Et ça, c'est accessible. Vous êtes choisi par Emmanuel Macron pour être le coach de son nouveau mouvement En Marche. C'est assez cohérent. Guillaume Meurice fait ça très bien d'être Emmanuel Macron. Et on y va. Premier coaching. Bon, monsieur Diniz, je vous ai engagé comme coach. Oui, monsieur Macron. Voilà. Alors déjà, pourquoi vous êtes en t-shirt? Ben, c'est une tenue de sport. Non, mais vous savez que si vous continuez à travailler, vous pourrez vous offrir un costume. C'est pas pratique de courir. Je confirme. C'est qui? Alors, lui, c'est Jacques Attali. C'est le bras droit de la gauche avant moi. Hein. Donc, mon mouvement s'appelle En Marche. Et le champion de la marche, c'est vous. Bah, votre défaut, vous êtes parti trop vite au début. Oui, non, mais voilà. Mais c'est parce que je veux gagner à la fin. Vous savez, je veux de la rentabilité, je veux du cash flow, je veux des intérêts qui courent. Ah, si ça court, c'est plus de la marche. Oui, bon, ok. Non, mais alors, moi, je veux aller plus vite. Et il est où, Attali? Jacques? Oui, bah, c'est fatigant. C'est chaud. Alors? Mais monsieur, vous n'avez pas de bonnes chaussures. C'est Roland Dumas qui me les a données, c'est les Berloutis. Bon, alors, coach, là. Bon, là, avec mes équipes, on fait du porte-à-porte. On fait 12 portes par heure en moyenne. Bon, c'est pas comme ça que je vais arriver à mettre la France en marche, moi, alors. Alors, premier conseil, oui. Il faut se calmer. Surtout en marche, la respiration, c'est essentiel. Non mais attendez, mais je suis très très calme là. En fait, j'en ai marre de marcher. Moi, je veux courir. Mais alors, il faut appeler Christophe Lemaître. Non mais arrêtez de mettre des obstacles sur mon passage. S'il y a des obstacles, fallait appeler Guy Dru. Mais Guy Dru, il est de droite. Vous me faites marcher là. Si vous voulez. Non mais faites-moi courir. Manu, non mais même solutré, j'avais pas autant souffert. Hé, hey, monsieur Macron. Calmez-vous, vous m'impressionnez pas avec votre training. Pardon, c'est parce que je peux le faire un selfie. Ah ok, ouais, ok. Attention, tu vas le partager sur Facebook, Twitter, Instagram, non? Non, c'est juste pour moi. Non, bah alors ça m'intéresse pas, alors. Il est où, Attali? Attali! Je vais faire un infarctus. Parfait, Jacques, la presse va apprendre que t'as un cœur. Bon, monsieur, on attend le reste de l'équipe et on part pour le... Pour sur le parcours. Mais alors, attendez, le reste de l'équipe, c'est-à-dire? Ben, il y a Jacques, il y a vous, et mais après... Ah non, c'est tout, là. Alors, on y va. Vous préférez quelle direction? Oh là, pour la direction, c'est Jacques qui décide, hein. Bon, on va prendre l'allée centrale, comme ça, après, on verra si on bifurque à gauche ou à droite. Ah, il est fort, Jacques. Allez, on y va. Ouais, en marche. Ok, on n'a pas un peu l'air idiot, là? C'est le principe de la marche. Ah, ok. Bon, remarque, c'est aussi le principe de la politique. Johan Diniz, dans son rôle. Merci, Johan Diniz. Merci beaucoup. Vous aimeriez être coach plus tard pour les marcheurs qui suivent? Pourquoi pas, ouais, bon, pas déjà, il a une carrière jusqu'en 2020 et les JO de Rio et les JO qui vont suivre ensuite. Hein. Johan Diniz, on est derrière vous, hein, à fond. Moi, je vais regarder les JO. Mais Mélanie Bauer aussi. Mais vous êtes pas absolument. Belge, vous. Hein, mais pourquoi? Mais vous soutenez pas les Belges? Mais on s'en fout, on aime Johan Diniz, point, voilà. D'accord. Mais c'est à nous. Merci Johan, merci à tous. C'est la fin de l'émission, on va laisser le mot de la fin à un militant historique de la gauche. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.